50 km/h, c'est rien. Sauf qu'une voiture d'une tonne qui roule à cette vitesse a emmagasiné une énergie équivalente à 10 fois son poids, soit 10 tonnes. À 50 km/h, les chances de survie d'un adulte dans la pleine force de l'âge sont évaluées à 20%. Bien sûr, les risques sont plus élevés avec les enfants et les personnes âgées. Réponse A.